Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la création d'une organisation majeure de la géopolitique au Proche-Orient, le Hezbollah libanais. En mai 2018, ce parti et ses alliés remportent 71 sièges au Parlement libanais. Sous une chambre de 128 députés, c'est une majorité, disons, confortable. Car le Parti de Dieu, traduction littérale de Hezbollah, est un parti politique officiel installé au Liban où il a su convaincre la communauté chiite qu'il représente historiquement, mais aussi des sunnites et des chrétiens. Un parti politique dont la branche armée a été placée en 2013 sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne après l'attentat de Bourgas en Bulgarie contre un bus de touristes israéliens. Un parti qu'on associe également à l'attentat de la rue de Rennes à Paris en 1986 ou encore aux prises d'otages d'occidentaux au Liban dans les années 80. Né en 1982, entre guerre civile libanaise et conflit israélo-palestinien, l'organisation met en jeu un réseau d'influences étrangères et de réalités libano-libanaises que notre prisme occidental rend extrêmement difficile à comprendre. Et par bien des aspects, près de 35 ans après sa création, le Hezbollah reste mystérieux, indistinct. Groupe islamiste terroriste transnational, parti politique patriote au service du Liban, premier mouvement de résistance à avoir fait céder Israël, comment définir le Hezbollah? Notre invitée aujourd'hui, Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris, spécialiste du Liban et du chiisme politique. En 2014, elle a publié « Le Hezbollah, mobilisation et pouvoir » aux éditions Presse universitaire de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est le nombre de communautés reconnues par l'État libanais. Maronites, Melkites, Assyriens, Coptes pour les chrétiens, chiites, sunnites, druzes, ismaéliens et alaouites pour les musulmans. Une mosaïque confessionnelle singulière et fragile qui est pourtant le fondement du système libanais depuis l'indépendance du pays en 1943. En politique, le compromis communautaire, censé s'appuyer sur le poids démographique de chacun, décide que le président de la République du Liban est maronite, le premier ministre sunnite et le président de l'Assemblée chiite. Autant de communautés aux intérêts et aux parcours parfois contradictoires, auxquels s'ajoute une autre population, les réfugiés palestiniens, en exil depuis la guerre de 1948, qui attendent un retour en Palestine ou une naturalisation sans être réellement intégrés à la société libanaise. Au cours des années 70, leur présence et le sort que le Liban doit leur réserver achèvent de perturber un équilibre déjà précaire. Dans un contexte social très pesant, différentes forces politiques, inquiètes pour la sécurité de leurs communautés respectives, arment les milices. Et le 13 avril 1975, suite à l'attaque d'un bus de civils palestiniens par des phalangistes chrétiens, la situation explose. C'est le début d'une guerre civile qui durera 15 ans. Dans tout le Liban, deux camps s'affrontent. D'un côté, le front libanais et les ministres phalangistes Pierre Gemayel, chrétien, de droite, pour le maintien d'un système politique qui les avantage. De l'autre, les musulmans et les chrétiens, d'ailleurs du mouvement national libanais de Kamal Jumblatt, de gauche, qui défendent les réfugiés palestiniens et la mise en place d'une démocratie sans quota confessionnel. Snipers, guérilla urbaine, bombardements, des dizaines de milliers de miliciens, parfois soutenus par l'étranger, mettent le pays à feu et à sang, tandis que Beyrouth se déchire, coupé en deux, d'ouest en est. Beyrouth Est, où les chrétiens et leurs phalanges sont retranchés depuis 1976 sur une moitié de la ville. Voici Beyrouth Ouest, il y a d'abord les Syriens, près de 20 000, chargés officiellement de préserver la sécurité, mais dont on sait, rien qu'à les voir, qu'ils sont l'occupant. À Beyrouth Ouest, on longe les camps palestiniens avec les armes pointées vers le ciel et les raids israéliens. Et à Beyrouth Ouest, il y a les Libanais de gauche, ceux qu'on appelle par facilité les palestino-progressistes. Il y a une trentaine d'organisations et des tendances. Mais aujourd'hui, il faut en ajouter une nouvelle, les chiites. De tout temps, les chiites ont été considérés comme les parents pauvres du système libanais. Les plus nombreux, 1 million, leurs convictions religieuses et leurs aspirations sociales ont été développées au cours des derniers mois par un facteur et deux noms, la guerre, Khomeini et l'imam Moussa Sabre. Oui, les chiites, la communauté des périphéries, implantée dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans la plaine de la Bekaa, à l'est, autour de la ville Baalbek, et au sud du Liban, terres agricoles marginalisées, des paysans pauvres, planteurs de tabac, dominés dans les années 70 par quelques grandes familles selon un système féodal ancestral. Des Libanais oubliés des autorités, dans des villages sans eau courante ni électricité, bien loin des banques de Beyrouth qui ont valu au Liban son surnom de « Suisse du Proche-Orient ». Le mot « Metwali » qui désigne les chiites est peu à peu devenu au Liban synonyme insultant d'arriéré, sale, rustre, analphabète. Mais alors que la guerre civile embrase le Liban, la communauté chiite s'éveille. Une prise de conscience politique inspirée par le religieux Moussa Sadr, à l'origine de la création en 1974 du mouvement des déshérités. Un mouvement multiconfessionnel à majorité chiite, issu entre autres de diverses formations communistes et qui devient rapidement l'incarnation de la défense des plus démunis et du chiisme politique. Son aile militaire, les brigades de la résistance libanaise, est surnommée Amal, acronyme qui signifie espoir. Sa mission ? Protéger et défendre le chiite du sud Liban, où l'armée israélienne mène des attaques régulières contre les militants de l'Organisation de libération de la Palestine qui y vivent, et vice-versa, Israël, Iran, Syrie. Tandis que les chiites se politisent et que la guerre civile se poursuit, d'autres pays viennent compliquer le micmac communautaire libanais et ouvrir la voie au Hezbollah. Opération Paix pour la Galilée. Voilà comment Menahem Begin a intitulé hier soir l'action militaire de grande envergure lancée par Israël au sud Liban. L'objectif, ajoute-t-il, est de repousser les Palestiniens de 40 km vers le nord. Now, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, so we didn't enter Beirut and we hesitated. Yes, indeed, nous ne sommes pas entrés dans Beyrouth. Nous hésitons. L'hésitation est humaine. But we will have to take care. Mais nous veillerons à ce que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban. Il n'en restera pas un seul. Croyez-moi, pas un seul. Nous nous assurerons que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban, garantit le premier ministre israélien Menachem Begin au lendemain du lancement de l'opération Paix en Galilée le 6 juin 1982. Provoqué par l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres par le groupe Abu Nidal, la tendance dure du Fatah palestinien, cette guerre vise à briser la résistance palestinienne installée au Liban. Dans un premier temps, les troupes israéliennes entrent dans le sud du pays. 100 000 soldats y combattent les militants d'OLP avant de remonter vers Beyrouth pour rejoindre leurs alliés des forces libanaises, le mouvement chrétien de Béchir Jemayel, qu'Israël aimerait voir à la tête du Liban. Deux mois et demi, Israël bombarde Beyrouth Ouest où sont repliés les combattants palestiniens de l'OLP et leurs alliés libanais. Des milliers de civils perdront la vie dans cette opération. Suite à un accord international signé le 12 août, 12 500 combattants palestiniens quittent finalement la ville sous la protection d'une force multinationale. Mais l'opération lancée par Israël est loin d'avoir apporté la paix et Beyrouth Ouest en ruine sera bientôt le théâtre d'autres drames. Du 16 au 18 septembre, les milices chrétiennes phalangistes massacrent les réfugiés palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila, sous les yeux de l'armée israélienne. Des horreurs qui, dans le contexte de la guerre civile, exacerbent encore les clivages communautaires au Liban. Malgré l'accord international qui prévoyait son départ, Israël se maintient dans une zone qu'on appelle, selon les camps, zone de sécurité ou bande occupée. 850 km dans le sud Liban, à majorité chiite, soit 10% du territoire le long de la frontière israélienne. Un territoire stratégique, véritable champ de bataille entre résistance palestinienne et Israël depuis la guerre de 1948. Les Israéliens s'appuient sur une milice libanaise payée et formée par Tel Aviv, l'armée de Saad Haddad, qui deviendra bientôt l'armée du Liban Sud. Une milice qui seconde Tsahal dans ses opérations contrôle, couvre-feu, barrage, confessionnel, fouille, taxe économique, mais aussi gestion des centres de détention. L'armée du Liban Sud gère notamment ce qu'Amnesty International désignera comme la prison de la honte, la prison de Kiam, qu'on appelle aussi dans la région le centre de l'enfer. Reportage de Christian Chesneau pour Interception sur France Inter avec un ancien détenu. Alors Ahmed nous explique que les prisonniers étaient amenés dans cette petite cellule de 2 mètres carrés, et les prisonniers étaient amenés avec une cagoule noire, les mains attachées dans le dos, et ça devait être terrible ici parce qu'il n'y a aucune fenêtre, on est complètement isolé, il fait froid, et on imagine aisément ce qu'ont dû endurer les prisonniers qui étaient souvent maltraités. Il y avait un centre d'interrogation, de torture, où les geôliers utilisaient l'électricité, les nerfs de bœuf pour maltraiter les prisonniers, pour les humilier. Parfois, ils étaient confrontés, ces prisonniers, à des collaborateurs qui venaient les dénoncer. Dans la prison de Kiam sont enfermés et torturés ceux que l'on soupçonne de s'opposer à la présence israélienne et à l'armée du Liban Sud, la milice libanaise qui la soutient. Car l'opération Paix en Galilée, puis des drames comme Sabra et Shatila, ont accéléré la formation d'une résistance organisée à Israël au Liban Sud, à la fois militaire et politique. Une résistance d'abord éclatée en de multiples structures, aux influences et revendications tout à la fois diverses et convergentes. Parmi elles, le Front de la Résistance Nationale Libanaise, le FRNL, créé le 16 septembre 1982 par trois organisations communistes, ou encore la Résistance Islamique au Liban, la RIL, retenez bien ce nom, une organisation naissante qui deviendra, en effet, incontournable. Enfin, des mouvements de résistance hétéroclites, alliés dans la guérilla menée contre Israël au sud du Liban, et qui réunissent dans leur rang des communistes, de militants venus d'Amal, la branche militaire du mouvement des dépossédés, créé par le chiite Moussa Sader en 1974, mais aussi des Syriens et des membres du Fatah palestinien. À ce stade du récit, beaucoup d'informations vous arrivent, en cascade même. Pas forcément facile, mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'à partir de 1984, la RIL, Résistance Islamique au Liban, prend progressivement le dessus sur les autres mouvances, écartant la frange communiste pour privilégier la dimension chiite. À la moitié de la décennie 80, c'est elle qui mène la résistance au pays du Cèdre. Parmi ses troupes, une majorité de chiites, parfois formés dans les camps palestiniens de l'OLP implantés au Liban, ou par les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique iranienne envoyés par Khomeini. Écoutez ce reportage de Bruno Le Dreff, à Baalbek, près d'un camp d'entraînement tenu par des soldats iraniens, justement. Indice de leur présence, ces journaux télévisés en langue farsi qu'aucun Libanais ne comprend. Information suivie d'interminables émissions religieuses. C'est la télévision iranienne qui fabrique et qui émet ces émissions spéciales à destination de la région. Les Iraniens à Baalbek, en voici la preuve, l'une des très rares fois où ils ont pu être filmés. Ces hommes sont bien des gardiens de la révolution. Ils chantent dans leur langue, en farsi, leur désir d'annihiler Israël, d'abattre celui qu'ils appellent leur ennemi sioniste. Derrière les gardiens de la révolution, une bonne partie des habitants de la ville. L'Iran, le Khomeini, où le chiisme est la religion d'État, exerce une force d'attraction puissante chez les chiites du Liban et inspire des mouvements comme la RIL, qui s'en réclame ouvertement d'ailleurs. Les chiites libanais, communauté marginalisée en phase de politisation, voient dans Khomeini et sa révolution islamique la possibilité d'un nouveau départ fondé sur l'islam. D'autant que le discours du chef iranien repose sur une opposition entre oppresseurs et opprimés qui renvoie les chiites à leur place dans la société libanaise, à l'hégémonie maronite dans le système politique, mais aussi à la présence israélienne dans le sud Liban, et enfin l'impérialisme occidental. Du pain sur la planche. Bientôt. bientôt, la résistance islamique au Liban et ses alliés organisent leur réseau au sein d'une organisation fondée en 1982, le Hezbollah, donc le Parti de Dieu, un groupement de croyants et non une formation politique, contrairement à ce que la traduction suggère. Il s'est doté d'un drapeau jaune et vert qui rappelle celui des Pasdaran iraniens. Un poing serré sur une Kalachnikov, un globe terrestre, un Coran. Et un sous-titre qui souligne malgré tout la dimension nationale du Hezbollah indépendant de l'Iran. La résistance islamique au Liban, la RIL donc, le bras armé du Hezbollah. Un mouvement, alors encore flou, volontairement clandestin, difficile à définir tant il est composé d'entités et de souffles variés. Pas de chef, mais un comité de 9 personnes qui discutent ensemble les directions à prendre. Au niveau tactique, les combattants du Hezbollah s'engagent dans des opérations de guérilla, parfois au cœur des villes et des villages, et recourent fréquemment à des engins explosifs sur le bord des routes. Mais la stratégie qui marquera leur action militaire, c'est un procédé inspiré des kamikazes japonais, l'opération Martyr ou Attentat Suicide. Le 11 novembre 1982, une voiture s'écrase contre le quartier général de l'armée israélienne à Tyr, au Liban, avant d'exploser. Une action sans précédent. Reportage de Philippe Rochaud pour Antenne 2. Le quartier général des forces israéliennes à Tyr n'est plus qu'un amas de dalles de béton. L'immeuble de 8 étages s'est effondré comme un château de cartes sous la violence de l'explosion. 130 personnes étaient à l'intérieur, une soixantaine de soldats israéliens, mais aussi des dizaines de civils libanais et de palestiniens qui se trouvaient là pour retirer des laissez-passer ou pour interrogatoire. Depuis hier, la ville de Tyr est bouclée sur un périmètre de 10 km. Les Israéliens auraient arrêté plusieurs centaines de personnes. Les auteurs de l'attentat pourraient être des Palestiniens qui ont échappé au coup de filet israélien de l'été dernier ou des militants de la gauche libanaise. Mais pour le général Sharon, qui s'est rendu ce matin sur les lieux, cet attentat est au contraire une raison supplémentaire de rester. Tant que la sécurité n'est pas rétablie et qu'un accord n'est pas signé avec le Liban, nos soldats ne partiront pas, a-t-il dit. Pour la résistance islamique, la branche armée du Hezbollah, l'attentat de Tyr marque le début d'une série d'opérations martyrs contre l'armée israélienne. En 22 ans d'existence, l'organisation libanaise en revendiquera 12. L'année suivant ce premier attentat suicide, d'autres opérations du même type touchent cette fois la force multinationale de sécurité à Beyrouth, chargée d'aider l'armée libanaise à restaurer son autorité sans que la responsabilité du Hezbollah ne soit avérée. Le 23 octobre 1983, c'est l'opération la plus meurtrière de la période. 2 attentats suicides sont menés simultanément contre des contingents français et américains à Beyrouth, causant la mort de 300 soldats. Des attentats revendiqués par un groupe méconnu, le djihad islamique, qu'on assimilera a posteriori au Hezbollah, une implication que l'organisation libanaise dément, tout comme sa responsabilité dans les prises d'otages occidentaux menées à partir de 1982. Voilà la réponse donnée par l'un des cofondateurs du Hezbollah, Soubi al-Toufeili, au reporter Bruno Lodreff pour Envoyé spécial. La France est un tyran. C'est une nation qui a une mentalité colonisatrice. Une mentalité dominatrice qui écrase les individus. Il est nécessaire que la France change cette mentalité tyrannique et qu'elle se comporte humainement avec des hommes qui ont, comme les Français, le droit de vivre. Et lorsqu'on lui demande si le Hezbollah a une responsabilité dans les actions terroristes, la réponse est très sèche. Absolument aucune, dit-il. Une réponse qui ne nous surprend guère. Absolument aucune responsabilité non plus, affirme le fondateur du Hezbollah, dans les prises d'otages des Occidentaux, 90 tout de même, au total, dans les années 80, parmi lesquels les diplomates Marcel Fontaine et Marcel Carton, les journalistes Philippe Rochaud et Jean-Paul Kaufmann, ou encore le chercheur Michel Seurat, qui mourra en captivité. Pas davantage d'implication non plus dans les attentats sanglants qui frappent la France entre 1985 et 1986, dont le plus meurtrier reste celui de la rue de Rennes, revendiqué par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Des attentats qu'on a souvent imputés au Hezbollah libanais, ce que, une fois de plus, l'organisation réfute, tout en célébrant, parfois, la mémoire et le combat des kamikazes impliqués. « En 1990, le cheikh Mohamed Khatoun, responsable du Hezbollah pour la ville de Baalbek, utilise cette formule ambiguë qui prête, par définition, à confusion. Au départ, aucun intérêt américain ou européen n'a été attaqué au Liban. C'est seulement après l'émergence d'une prise de conscience musulmane que des intérêts occidentaux ont été sujets à des attaques. C'est vrai qu'il y a des otages au Liban, mais je signale ici que ce n'est pas le Hezbollah qui a commis ces actions. Mais le Hezbollah, en tant qu'organisation, a le mérite d'avoir accompli certaines de ces actions sécuritaires. N'oublions pas que les musulmans sont opprimés depuis des dizaines d'années et qu'ils ont le droit de réagir. Le Hezbollah peut crier victoire. Le 14 janvier, le Conseil des ministres israéliens adopte un plan d'évacuation partielle du Liban Sud proposé par Yitzhak Rabin, ministre de la Défense et membre du Parti travailliste. Israël se maintient malgré tout le long de la frontière au terme d'un retrait en trois phases dicté par des pertes militaires toujours plus lourdes et une recrudescence des attentats anti-israéliens. Près de 600 soldats ont été tués depuis 1982. Mais le retrait israélien est loin d'apporter la paix au Liban. Le Hezbollah et son ancien allié Hamal s'engagent dans un combat fratricide. Car les frères ennemis, qui puissent tout de leurs racines dans le schisme et la défense des déshérités, s'opposent depuis la création du Hezbollah. Tandis que le Parti de Dieu souhaite poursuivre la lutte armée contre Israël, Hamal entend lui mettre fin au combat et chasser les combattants palestiniens de l'OLP du pays avec les soutiens de la Syrie. En jeu également pour les deux organisations, le contrôle des territoires chiites au Liban, le Sud-Liban, la plaine de la Bekaa, et Beyrouth, comme le raconte Jérôme Bonny pour Antenne 2. Ces images ont été tournées par le journaliste français Jean-Marc Sroussi dans la banlieue sud de Beyrouth il y a 48 heures. Un secteur encore mal contrôlé par les chiites pro-iraniens du Hezbollah, opposés aux miliciens d'Hamal, pro-syriens. Le danger est partout. Le fait même de traverser la rue relève de l'exploit. Attends, Le caméraman suit, mais dans quelques instants, il va, lui, être blessé par un tireur. Il s'effondre. Jean-Marc Sroussi est actuellement soigné dans un hôpital du Hezbollah, dans un secteur où d'autres Occidentaux sont, eux, retenus en otage. Tandis qu'Israël annonce un retrait partiel du Sud-Liban, provoquant des dissensions entre les différents mouvements de résistance, le Hezbollah s'institutionnalise. Le 16 février 1985, l'organisation révèle officiellement son existence à travers une lettre ouverte aux opprimés dans le monde, publiée dans le quotidien libanais As-Safir. Une sorte de charte politique inspirée par la révolution islamique de Khomeini en Iran, dans laquelle Hezbollah affirme sa vision du monde. Le texte oppose ainsi l'opprimé et l'oppresseur, un oppresseur à tête multiple, aussi bien Israël, l'OTAN et les Américains que l'URSS et les communistes, ou encore le président de la République libanaise, Amin Gemayel, et les milices chrétiennes. Le texte du 16 février 1985, qui restera le seul document officiel pendant 25 ans, ne précise pas la forme du gouvernement islamique qu'il appelle de ses voeux, mais parle d'un régime à même de protéger toutes les communautés, les chiites en particulier, sans pour autant mettre de côté la communauté chrétienne du Liban, à condition que les privilèges confessionnels soient abolis. Par ailleurs, la lettre ouverte conditionne ce gouvernement à une reconnaissance démocratique par référendum ou vote au Parlement. Même si en 1985, le Hezbollah reste surtout un mouvement de résistance militaire, sa future forme politique commence lentement à se préciser. Dans le courant de la décennie 80, le Hezbollah s'est construit comme une organisation militaro-politique, mais aussi comme un modèle social. Et c'est sans doute cela qui fondera son succès. La société de résistance, c'est ainsi que l'on désigne le vaste réseau d'ONG mis en place dans les territoires où le Hezbollah est implanté, avec pour mission de soutenir les populations prises dans la guerre contre Israël, mais aussi élargir le soutien populaire au Hezbollah. Aider et recruter. Hôpitaux, dispensaires, écoles, routes, puits et stations de pompage, alors que les services publics libanais sont quasiment inexistants dans une partie du pays, et notamment dans le sud du Liban à majorité chiite, le Hezbollah maille le territoire de ses infrastructures indépendantes financièrement de l'État, notamment grâce au soutien de l'Iran. Témoignage sur ce point de Mahmoud Sabah, chirurgien dans le sud du Liban, au micro de Christian Chesneau pour Interception. Le Hezbollah a développé aussi pas mal d'hôpitaux, de services sociaux, ça c'est une réalité ici ? Tout à fait, il a un service de santé qui est très bien développé, beaucoup de dispensaires, un grand hôpital très bien équipé et qui dessert enfin, toute la région. Et c'est gratuit ou ? Presque, c'est très intéressant pour la population locale. Je crois aussi que le Hezbollah aide aussi les familles des martyrs, entre guillemets, les shahids. Ah oui. Ça, c'est aussi important. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de martyrs. Hein. Pendant toutes ces années d'occupation, quand même, il y a beaucoup de martyrs qui sont tombés. Donc, ces services donnent beaucoup d'aide aux familles des martyrs. Autre fondement de la société de la résistance établie par le Hezbollah, les médias. Très tôt, avant même que l'organisation ne dévoile son existence officielle, elle se dote d'un hebdomadaire, d'une radio, puis d'une chaîne de télé, Al-Manar, en 1989, bientôt l'une des chaînes les plus regardées dans le monde arabe. Des organes de presse dont le regard est tourné vers les opérations militaires contre Israël et la célébration des martyrs. Car malgré l'annonce de 1985, le Sud-Liban reste marqué par la présence israélienne et les combats entre groupes armés libanais, notamment celui du Hezbollah, et de l'ALS, l'armée du Liban Sud d'Antoine Ladan. Hezbollah contre ALS, mais aussi Hamal contre Hezbollah. À la fin de la décennie 80, la guerre civile libanaise continue de déchirer le pays, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé en 1989. Ans après le début de la guerre civile au Liban, le Maroc, l'Algérie et l'Arabie Saoudite négocient un accord, l'accord de Taif, avec les acteurs du conflit, partis politiques, milices libanaises et autorités syriennes, dont les troupes sont présentes au Liban depuis 1976 avec le soutien des responsables politiques de Beyrouth. Cet accord, qui prévoit le maintien de la Syrie dans le pays comme tuteur et un rééquilibrage des pouvoirs au profit des musulmans, n'est approuvé ni des chrétiens, ni des socialistes, de Jumblat, ni de Hezbollah, qui se sent menacé par le poids accru des sunnites et qui refuse le désarmement imposé aux milices Partaef. Explication d'un dirigeant de Hezbollah sur Antenne 2 après la signature des accords. Nous n'approuvons pas les accords de Taef. Nous l'avons déjà dit. Mais pour autant, nous ne prendrons pas les armes pour les combattre. Nous approuvons la dissolution des milices. D'ailleurs, comme nous ne sommes pas une milice, non seulement cela ne nous dérange pas, mais nous nous réjouissons que la guerre des rues se termine pour que toutes les forces puissent se mobiliser contre Israël. C'est à Baalbek, dans la vallée de la Beka, que doivent se replier les combattants beyrouthins du Hezbollah pour y rejoindre les 2000 hommes qui y sont entraînés par les gardiens de la révolution iranien. Dans un premier temps, le Grand Beyrouth ne fait que déplacer le centre de gravité des affrontements armés. Le Hezbollah, qui ne se considère pas comme une milice, poursuit la résistance contre Israël dans les territoires du sud Liban, tout en se recentrant sur la politique intérieure du pays tout entier, à laquelle il entend désormais participer. Une nationalisation du mouvement autour de la composante libanaise, et non plus syrienne ou iranienne, notamment inspirée par la défaite de l'Iran face à l'Irak et à la mort de Khomeini en 88. Le nouveau secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui dirige toujours le Parti de Dieu, fait le choix d'insérer totalement le parti dans la vie politique libanaise en présentant des candidats aux élections législatives d'août 92, les premières depuis 20 ans au Liban. Avec 11 députés membres du Hezbollah ou affiliés, c'est un premier succès pour l'organisation. Tandis qu'une grande partie de la population chrétienne a boycotté l'élection qu'on dit trafiquée par la Syrie. Le programme du Hezbollah, fondé sur la résistance à Israël, la fin des privilèges communautaires et le développement socio-économique du Liban, convainc une grande partie des chiites, dont l'organisation est le principal défenseur, mais aussi des Libanais chrétiens et des musulmans sunnites. Créé pendant la guerre civile libanaise en réaction à l'occupation israélienne au sud Liban, le Hezbollah, le Parti de Dieu, est resté depuis, c'est son ADN, une force de résistance armée à Israël. Mais plus de 35 ans après sa création, le Hezbollah n'est plus seulement une organisation militaire, condamnée pour terrorisme par une partie de la communauté internationale, non, il est désormais un parti politique et un acteur majeur de la société libanaise et du Proche-Orient. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Hezbollah, notre invité Aurélie Daher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris, spécialiste du Liban. Et on va voir à quel point vous êtes spécialiste du Liban, du Hezbollah. Et donc du schisme politique. En 2014, vous avez publié le Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux éditions Presse Universitaire de France. Pendant que je disais ce récit, je pensais aux auditeurs et à la complexité de tout ce qu'on a raconté avec toutes les informations qu'on a données. D'abord, il n'y a pas d'autre façon que de le faire, ça honnêtement, que de tout dire, parce qu'il faut tout dire. Et s'il y a effectivement des choses à clarifier, on les fera ensemble. L'histoire entre vous et le Liban et le Hezbollah est particulière. Racontez-moi. Tout à fait. Donc, je m'appelle Aurélie. Donc là, on sent une maman française, bretonne en l'occurrence. Et puis, je m'appelle Daher, nom de famille. Donc là, ça sent bon le Liban. Effectivement, j'ai un papa libanais. Et j'ai un papa libanais originaire du Liban Sud, sunnite. Et je me suis retrouvée à l'âge de 8 ans... embarquée dans les bagages par mes parents par un père en fait et qui emmenait donc sa femme et ses enfants s'installer au Liban après 20 ans de vie en France. Et je me suis retrouvée assez bizarrement, pour des raisons très compliquées, dans une ville du nord chiite et en l'occurrence Baalbek. Et je me suis retrouvée en 85, c'est-à-dire 2-3 ans après l'apparition du Hezbollah. Et voilà, à l'insu de mon plein gré, comme aurait dit Richard Wering dans les années 90, je me suis retrouvée à faire mes premiers terrains, finalement, à observer à la fois l'émergence et la montée en puissance de cette organisation un peu bizarre qui est le Hezbollah, mais aussi la résistance islamique que vous avez évoquée, à travers ma vie à l'école, ma vie sociale, la vie de mes parents, la vie familiale, etc. Voilà, en étant intégrée à une société qui était finalement cette société berceau du Hezbollah, je me suis retrouvée à observer un certain nombre de choses et finalement à comprendre un certain nombre de choses sur en fait l'identité réelle de cette organisation qui dans les années 80, faut pas l'oublier, est extrêmement hostile à se laisser approcher par les observateurs extérieurs. C'est très compliqué, ils sont très clandestins, ils n'aiment pas les journalistes, surtout occidentaux, ils n'aiment pas les services de renseignement. Et je me suis retrouvée voilà, dans un certain nombre de situations avec des gens, voilà, notamment sur les bancs d'école, qui aujourd'hui sont de très grosses sardines au sein du parti. Et ce qui m'a, par la suite, quand j'ai fait mes recherches 20 ans plus tard, dans le but de faire une thèse et un bouquin sur le Hezbollah, qui m'ont beaucoup aidé, ils m'ont ouvert beaucoup de portes. D'être reparti avec beaucoup de documents, non, c'est ça? Et je suis repartie effectivement par un jour de printemps. Je venais pour mon troisième interview avec Soupri Toufaili, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un des principaux fondateurs du Hezbollah. Un type pas commode initialement, devenu vieux papy pépère depuis. Je passais pour faire un troisième entretien et je me rends compte qu'il a tous ses bodyguards en train de bouleverser sa bibliothèque avec des cartons pleins de papiers. Je vois le logo du Hezbollah dessus, je vois confidentiel. Et je lui demande ce qui se passe. Il me dit, ma femme me tanne le cuir, il faut que je mette tout ça à la poubelle. Évidemment, moi je demande tout de suite où sont tes poubelles. Il me dit, ah, tu les veux, mais pourquoi ça t'intéresse? Je lui dis, si. Et je suis repartie comme ça avec la bagatelle de 4500 documents divers et variés du parti datant des années 80-90, plein de papiers aussi sur plusieurs mouvements islamistes, y compris sunnites, qui sévissaient à l'époque. Donc évidemment, pour moi, en tant que chercheur, oui. c'était des lingots d'or dans de vieux cartons pourris. J'étais absolument ravi. Alors, après les dernières élections de mai 2018, donc mai dernier finalement, la coalition à laquelle appartient le Hezbollah est désormais majoritaire au Parlement. Alors, est-ce que le Hezbollah au Liban, aujourd'hui, c'est un parti comme les autres? Oula, ça c'est la question à 10 000 euros. Il est indéniable qu'aujourd'hui, le Hezbollah est le premier parti politique du pays, dans les deux sens. Premier parti politique, parce qu'au sein des sphères politiques, c'est lui qui a la meilleure marge de manœuvre et la plus grande capacité, finalement, d'influer sur les décisions. Mais c'est aussi le premier parti politique au niveau, j'ai envie de dire, de la population, en termes de popularité. Si le système libanais était monté sur un système de one man, one vote, et non pas sur un système de quotas confessionnels tel qu'on connaît aujourd'hui, en nombre de personnes qui ont voté pour le Hezbollah, et pas seulement 2018 d'ailleurs, déjà dès 2005 et 2009, aux deux sessions d'élections législatives passées, la majorité des Libanais roule pour le Hezbollah. Et donc, ça en fait un parti comme les autres, ou pas? Alors, ça en fait un parti politique comme les autres, dans le sens où il est tout à fait inséré dans la vie politique libanaise. Il joue les règles du jeu selon les règles, on va dire, de tout le monde. Après, il est un peu différent, dans le sens où il est finalement moins clientéliste dans son approche de la base que ne peuvent l'être les partis politiques traditionnels. Et puis, il n'est pas dynastique, j'ai envie de dire, il est paradoxalement plus démocratique que des partis comme par exemple le parti sunnite Courant du Futur, donc qui est en fait un peu le parti de la famille Hariri, hein, on se passe le pouvoir du père en fils, ouais. Ou chez les Gemayel, donc le parti des Kataeb, depuis le grand-père au fils, au petit-fils. Donc là, c'est vrai que le Hezbollah est de ce point de vue, est un peu particulier. Et en fait, en termes de fonctionnement, quand il est apparu, on l'a pensé en politique comme un appareil, comme une version des frères musulmans chiitisés. Hein. Mmh. On l'a pensé comme un groupe islamiste chiitisé. Et en fait, pas du tout. Le Hezbollah, de manière assez intéressante, en fait, s'inspire beaucoup plus des structures communistes, des partis communistes, dans la manière à la fois dont il est construit, mais aussi en termes de fonctionnement interne. C'est un parti qui est très... C'est du centralisme démocratique, complètement, comme on disait. Complètement. Bon, alors après, dans les limites de ce qui est autorisé, bien sûr par la hiérarchie, en tout cas de ce que la hiérarchie est prête à entendre et à retenir de ce qui vient de la base et des strates intermédiaires. Mais c'est quand même un parti où force est de constater, indépendamment de ce qu'on pense de sa politique, hein, on parle vraiment du fonctionnement d'un point de vue purement organisationnel, c'est un parti où l'info circule énormément. La direction est très à l'écoute, s'intéresse énormément à ce qui peut se passer au niveau de la base, comment réagit notamment la base, et plus particulièrement la base chiite, et vice-versa. C'est-à-dire qu'au sein du parti, on écoute beaucoup ce qui vient d'en haut. Alors, on va écouter, nous, une archive qui date de 2000, quand les troupes israéliennes se retirent du Liban, évidemment, ce qui fait les affaires du Hezbollah. C'est terminé. Les derniers éléments de l'armée israélienne ont quitté au petit matin le territoire libanais. Et pour mettre un terme à 22 ans d'occupation, la presse israélienne a immortalisé l'image du dernier soldat israélien verrouillant le dernier point de passage de la frontière. Les soldats de Tsahal vivent la fin de leur mission comme une délivrance. Mais pour leurs alliés libanais de l'ALS, réfugiés sur le territoire israélien, c'est la consternation. Certains s'en sont pris ce matin à leur chef, le général Antoine Lahad, l'accusant de les avoir abandonnés. Le vieux général commandait l'armée du Liban Sud depuis 1984. Pendant ce temps, les premiers éléments des partis islamistes chiites, du Hezbollah et d'Amal, prenaient possession de la ville. Au matin, tirs et bombardements avaient cessé. Alors l'armée du Liban Sud, avec le retrait israélien, se retrouve orpheline. En revanche, le Hezbollah, c'est terrain dégagé maintenant. Ah, ils ont sabré le jus d'orange, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces territoires? Je ne sais pas si il faut dire qu'ils ont conquis ces territoires, mais dont ils ont hérité en tout cas. Oui, en fait, effectivement, avant que l'armée libanaise revienne reprendre, on va dire, ses marques sur le terrain, dont elle avait été écartée essentiellement par les groupes palestiniens dans les années 60, même un petit peu avant, effectivement, l'armée officielle libanaise va mettre un peu de temps avant de revenir. En fait, elle va revenir après la guerre de 2006, après ce qu'on appelait la guerre des 33 jours. Et c'est là que le gouvernement, en fait, le gouvernement à l'époque 14 martiens, donc plutôt pro-occidental, anti-syrien et pas du tout dans la mouvance Hezbollah, va forcer la main donc au Hezbollah pour les forcer à accepter un retour de l'autorité, au moins sécuritaire, de l'État sur ces territoires. Tout à fait. D'accord, donc la souveraineté du Liban retrouvée dans ces territoires-là, en fait. Tout à fait. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a des espèces de, à la fois, conflits et en même temps points d'intérêt entre le Hezbollah et l'armée libanaise. Il ne faut pas oublier que l'armée libanaise, elle est à l'image de la société libanaise et de la classe politique libanaise. C'est-à-dire qu'elle est traversée par des idéologies et des allégeances qui sont parfois même carrément en compétition. Et donc, il y a au sein, notamment, de l'état-major libanais, des pro-Hezbollah, donc qui partent du principe qu'il ne faut pas déranger, on va dire, la résistance islamique sur le terrain au sud. Éventuellement, si l'on voit passer des camions avec des roquettes, un drapeau jaune dessus, bien, on regarde de l'autre côté, on fait semblant d'avoir rien vu. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, donc, roulent contre le Hezbollah et qui font des rapports, grosso modo, pour faire état de tout ce que la résistance islamique peut faire sur le terrain pour ensuite l'envoyer alors à tous les amis des ennemis du Hezbollah. Donc le Hezbollah, groupe politique, parti politique, mais aussi groupe armé. Alors, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Non, en fait, il faut dédoubler. Ici, d'un point de vue organisationnel, il y a un groupe à dédoubler. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le lien entre le Hezbollah d'une part et la résistance islamique, un peu comme le lien qui unit l'IRA, le Irish Republican Army, et le Sinn Féin. Et Sinn Féin, voilà. La branche politique et la branche armée. C'est ça. Vous avez une organisation qui sont essentiellement, ce sont des militaires. Leur boulot, c'est de gérer les face-à-face militaires avec Israël. Chaque fois qu'il y a du grabuge, chaque fois qu'Israël attaque, etc. Donc là, on fait descendre la résistance islamique. Et puis après, pour tout ce qui est social et politique, il y a le Hezbollah. D'accord, c'est clair. Non, c'est clair. Au moins quelque chose est simple. Je ne veux pas dire que rien n'est clair, mais en tout cas, rien n'est simple. Là ça l'est. Est-ce que le Hezbollah rêve d'un État libanais fondé sur la charia, l'instauration d'un gouvernement islamique, ou est-ce que c'est pas forcément leur dessein ? Pas du tout. Alors évidemment, il y a toujours, comme au Liban, il y a le discours théorique et puis après il y a la pratique. Bon, le discours théorique, ils ont jamais menti, ils ont toujours dit que ils avaient un iltizam islamique, un engagement islamique envers tout ce qui est gouvernement, effectivement inspiré, on va dire, du modèle iranien, mais ils ont régulièrement insisté sur le fait que c'était difficilement importable au Liban, voire carrément pas possible, et qu'ils se contentaient du système politique libanais jusqu'à nouvel ordre, ça leur allait très bien. Il ne faut pas oublier que, par ailleurs, la base du Hezbollah, elle n'en veut pas du gouvernement islamique, et ça c'est très net. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend dans les années 80-90, avant que l'État libanais vraiment se remette, on va dire, des années de guerre civile, où il avait été complètement mis à l'écart, et qu'on vivait sous un régime de milices. En fait, le Hezbollah aurait très bien pu, dans les années 80-90, établir l'équivalent d'un État islamique, par exemple dans la région de la Bekaa, au sud Liban, dans la zone de la bande du Sud, un peu de ce qu'a fait, par exemple, le Hamas dans la bande de Gaza à un moment. Et en fait, c'est jamais arrivé. Au tout début, moi je me souviens, quand j'étais petite, début des années 80, il pouvait être parfois un peu pénible socialement, il y avait une tentative de contrôle social, je me souviens en l'occurrence, il y avait des descentes qu'ils faisaient dans l'école des Bonnes Sœurs, ils venaient nous chercher par classe entière pour aller nous montrer des films de propagande iranien. Alors évidemment, nous gamins, on était ravis, tout sauf la leçon de grammaire. Donc, et puis on ne comprenait rien au film de propagande iranien qui était en persan, donc évidemment on racontait des salades, c'était le bazar, bref. Ils ont rapidement compris que ça ne servait à rien, donc ils ont laissé tomber. Mais tout ça pour dire que non, le gouvernement islamique, c'est jamais quelque chose qui les a vraiment bottés. Eux, de toute façon, il faut bien comprendre le lien qui régit les relations entre le Hezbollah et la résistance islamique. D'abord, d'un point de vue purement chronologique, c'est la résistance islamique qui a été créée d'abord. C'est-à-dire qu'on a d'abord une organisation militaire clandestine qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, se rend compte que ce serait bien qu'on ait une organisation tampon civile cette fois-ci, qui à la fois s'occupe de recruter les petits jeunes et de les attirer vers les rangs de la résistance islamique et qui nous fasse de la pub, de la communication donc à destination de la société libanaise et leur expliquer ce que c'est que la cause de la résistance et pourquoi il faut soutenir la résistance contre Israël. Donc il faut comprendre le Hezbollah plutôt comme le rapport il est inversé, c'est la résistance islamique n'est pas le bras armé du Hezbollah, c'est plutôt le Hezbollah qui est le bras civil de l'organisation militaire et qui bosse pour l'organisation militaire. Et est-ce que pour le Hezbollah, la lutte contre Israël fait encore partie de l'ADN ou c'est un peu caduque ou jusqu'à la prochaine fois en tout cas ? Alors bon, ça évidemment, si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le conflit en Syrie et donc la résistance islamique, elle est partie prenante depuis 2013 complètement donc dans le conflit syrien. Le Hezbollah a tout de suite, dans le discours de justification, d'explication, pourquoi est-ce que, grosso modo, la résistance islamique se lance pour la première fois de son histoire sur un territoire qui n'est pas le sien, et se mêle d'une guerre qui, a priori, se passe essentiellement entre Syriens. L'argument qui a été avancé, c'est oui, mais on ne peut pas tolérer que Bachar tombe et qu'on se retrouve avec un gouvernement pro-israélien à nos frontières sud, à travers Israël, et amis d'Israël en Syrie. Donc, si, finalement, si on va en Syrie, c'est aussi pour faire du containment anti-israélien. C'est pour empêcher l'avènement de forces. Donc, en quoi ça reste dans son ADN? Ça reste complètement dans sa définition d'origine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une grande partie des troupes d'élite de la résistance, malgré le conflit en Syrie, elles sont restées au Liban justement dans cette idée de faut continuer à protéger le Liban. On ne sait jamais si jamais Israël profite du chaos syrien pour attaquer le Liban en se disant le Hezbollah est dans une situation de faiblesse. Donc, il y a une bonne partie des troupes d'élite qui ont été maintenues au Liban. Mais qui envoie des roquettes au nord d'Israël? Alors, c'est le Hezbollah ou c'est pas le Hezbollah? Non, pas du tout. Ça, bon, mais c'est bien qu'on le dise justement, qu'on soit clair là-dessus. Pas du tout. Alors, le Hezbollah, entre 2000 et 2006, a mené un certain nombre de petites opérations locales, en l'occurrence dans ce qu'on appelle la zone des fermes de Sheba. Donc là, on est en territoire libanais, qui est encore occupé par Israël. Un certain nombre de petites opérations, notamment celle qui a mené le 12 juillet 2006 à l'enlèvement donc, des deux soldats israéliens en vue d'un échange de prisonniers. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de groupes encore palestiniens, hein, qui sont encore là, qui sont armés, et qui, eux, ne répondent ni au Hezbollah, ni au gouvernement libanais, et qui ont leur propre compte à régler avec les Israéliens, et qui utilisent le territoire libanais pour attaquer le nord d'Israël. Alors, vous connaissez bien Baalbek, hein, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez confié quelques-uns de vos souvenirs. On va écouter un envoyé spécial, un reportage, dans un supermarché de Baalbek, financé par l'Iran. Bah oui, on va écouter ça. Populaire, car au-delà des mots d'ordre qui font mouche, ils apportent un véritable soutien à cette population pauvre. Exemple, ce supermarché, géré par le Parti de Dieu. On peut s'y procurer les meilleurs produits occidentaux, 20% moins chers qu'ailleurs, ainsi que des médicaments à bas prix. Il nous faut ici filmer discrètement. Inquiet de notre reportage, le Hezbollah ne nous autorise à visiter ni l'hôpital que les Iraniens ont installé dans la ville, ni leurs écoles. La façade du magasin, encore une fois, l'Iran affiche son drapeau et sa présence dans une ville apparemment contrôlée par la Syrie. Alors, contrôlé par la Syrie, est-ce que c'est financé par l'Iran? Ce que je veux dire à travers la question que je veux poser à travers la diffusion de ce court reportage, c'est que est-ce que le Hezbollah s'est vraiment libanisé ou il est encore très très lié, y compris financièrement, à l'Iran? Où en est-il de son émancipation réelle ou supposée par rapport à l'Iran? Il a toujours été émancipé, en tout cas sur le point de vue d'un point de vue identitaire. C'est un parti qui n'a jamais cherché à rattacher les zones chiites à un autre État que l'État libanais. Ils ne se sont jamais revendiqués d'une autre identité nationale que le Liban. Après, ils ont effectivement des relations très très très très resserrées avec les Iraniens, mais là-dessus, ils n'ont pas non plus l'exclusivité. Il ne faut pas oublier qu'au Liban, toutes les milices et tous les groupes armés sont parrainés par quelqu'un d'extérieur qui met énormément d'argent, qui finance des formations militaires, etc. Là où vous voyez des drapeaux iraniens dans les zones chiites, vous trouverez des drapeaux français dans des zones maronites, vous trouverez des drapeaux américains encore ailleurs, des drapeaux syriens. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde a son équipe régionale ou internationale préférée qui met de l'argent et qui paye des formations militaires. Les liens avec l'Iran, ils sont bien sûr, il y a une communion d'intérêts, il y a effectivement le caractère chiite, il y a tout ce qu'on a appelé le lien du Wilayat al-Farq, le gouvernement du jurisconsulte, qui en fait, contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'on dit en général, laisse beaucoup plus de marge de manœuvre au Hezbollah qu'on peut croire. Après, je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui a joué dans l'autonomie grandissante du Hezbollah sur la scène politique, c'est que le Hezbollah, finalement, prouvant aux Iraniens qu'il se débrouillait plutôt bien, à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique, a réussi à gagner la confiance en fait des Iraniens. Et si on regarde, que ce soit du temps de Khomeini ou maintenant depuis la mort de ce dernier, Khamenei, les Iraniens laissent grosso modo le Hezbollah faire sa politique au Liban, choisir les meilleurs moyens de la défendre. Là où, par exemple, on n'observe pas la même chose entre, par exemple, l'Arabie Saoudite aujourd'hui et les clients de l'Arabie Saoudite, essentiellement le courant du futur de la famille Hariri au Liban, où là, la mainmise dans les détails de la politique au quotidien est beaucoup plus forte. Et plus forte. Elle est beaucoup plus forte. En même temps, j'imagine que Téhéran tient quand même au Hezbollah, à ce qu'une organisation politique et sociale comme le Hezbollah, et puis armée aussi d'ailleurs, avec son bras armé, l'Iran y tient. Ce que le Hezbollah soit là au Liban, c'est important pour eux aussi, j'imagine. Ah, tout à fait. Tout à fait. Le Hezbollah, de toute façon, quand la résistance islamique a été créée, donc au lendemain de la deuxième invasion israélienne, là en 82, alors... Il y a un mythe qui court sur la résistance et qui dit qu'en fait, la résistance islamique au Liban est une exportation de la révolution iranienne au Liban. En fait, c'est pas vrai. Khomeini était au contraire complètement contre une intervention des Pasdaran au Liban, contre un envoi des Pasdaran et surtout, il était contre le fait qu'ils interviennent dans le conflit israélo-arabe. Les Syriens, parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, il y avait aussi Hafez al-Assad qui imposait sa volonté et c'était pas la petite volonté. Donc, lui aussi ne voulait pas en fait que les Iraniens entrent dans le conflit israélo-arabe parce qu'il entendait bien être le seul évidemment pays tuteur de la région et le seul à profiter des dividendes d'une résistance réussie contre Israël. Il n'était pas question de partager ça avec les Iraniens. Donc il y a toujours, pendant très longtemps, la relation d'amour, on va dire, entre le Hezbollah et l'Iran était parasitée par les Syriens. Avec la guerre en Syrie, le fait que finalement Bachar soit redevable aujourd'hui au Hezbollah et aux Iraniens, ça a permis finalement de refaire démarrer la relation entre l'Iran et le Hezbollah. Ce sera le mot de la fin, Relida Hermès. Merci infiniment pour toutes ces précisions merci que à vous. Vous avez données en tant que spécialiste et du Liban et du Hezbollah. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Hezbollah, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Profitez-en justement pour réécouter à tête reposée toute cette histoire compliquée et passionnante. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires à la technique aujourd'hui, Roland.